Chapitre 22. Bénédicte s'enfonça dans le parc de Rimbaud et, se jetant sur la mousse dans un endroit sombre, il s'abandonna aux plus tristes réflexions. Il venait de rompre le dernier lien qui l'attachait à la vie, car il sentait bien qu'après de telles relations avec Pierre Bluty, il ne pouvait plus en conserver de direct avec ses parents de la ferme. Ces lieux où il avait passé de si heureux instants et qui étaient pour lui tout remplis des traces de Valentine, il ne les verrait plus. Ou s'il y retournait quelquefois, ce serait en étranger, et sans avoir la liberté d'y chercher ses souvenirs, naguère si doux, aujourd'hui si amer. Il lui semblait que de longues années de malheur le séparaient déjà de ces jours récemment écoulés, et il se reprochait de n'en avoir point assez joui. Il se repentait des instants d'humeur qu'il n'avait pas réprimés. Il déplorait la triste nature de l'homme, qui ne sait jamais la valeur de ses joies qu'après les avoir perdues. Désormais, l'existence de Bénédicte devenait effrayante. Environné d'ennemis, il serait la risée de la province. Chaque jour, une voix, partie de trop bas pour qu'il pût se donner la peine d'y répondre, viendrait faire entendre à ses oreilles d'insolentes et atroces railleries. Chaque jour, il lui faudrait reprendre le triste dénouement de ses amours et se convaincre qu'il n'y avait plus d'espoir. Cependant, l'amour de soi, qui donne tant d'énergie aux naufragés près de périr, imprima un instant à Bénédicte la volonté de vivre en dépit de tout. Il fit d'incroyables efforts pour trouver à sa vie un but, une ambition, un charme quelconque. Ce fut en vain. Son âme se refusait à admettre aucune autre passion que l'amour. À 20 ans, quel autre semble en effet digne de l'homme? Tout lui semblait terne et décoloré après cette rapide et folle existence qu'il avait enlevée à la terre. Ce qui eût été trop haut pour ses espérances, il y avait à peine un mois, lui paraissait maintenant indigne de ses désirs. Il n'y avait au monde qu'un bonheur, qu'un amour, qu'une femme. Quand il eut vainement épuisé ce qui lui restait de force, il tomba dans un horrible dégoût de la vie et résolut d'en finir. Il examina ses pistolets et se dirigea vers la sortie du parc, pour aller accomplir son dessein sans troubler la fête qui rayonnait encore à travers le feuillage. Mais auparavant, il voulut avaler le fond de sa coupe de douleur. Il retourna sur ses pas, et, se glissant parmi les massifs, il arriva jusqu'au pied des murs qui renfermaient Valentine. Il les suivit au hasard pendant quelque temps. Tout était silencieux et triste dans ce grand manoir. Tous les domestiques étaient à la fête. Depuis longtemps, les convives s'étaient retirés. Bénédicte n'entendit que la voix de la vieille marquise, qui paraissait assez animée. Elle parlait d'un appartement au rez-de-chaussée dont la fenêtre était entr'ouverte. Bénédicte s'approcha et recueillit des paroles qui modifièrent tout à coup ses résolutions. « Je vous assure, madame, » disait la marquise, « que Valentine est sérieusement malade et qu'il faudrait faire entendre raison à M. de Lansac. « Eh, mon Dieu, madame !» répondit une voix que Bénédicte jugea ne pouvoir être que celle de la comtesse. « Vous avez la rage de vous immiscer dans tout. Il me semble que votre intervention ou la mienne, dans une pareille circonstance, ne peut être que fort inconvenante. »« Madame, je ne connais pas d'inconvenance !» reprit l'autre voix, lorsqu'il s'agit de la santé de ma petite fille. Si je ne savais combien il vous est agréable de donner ici un autre avis que le mien, je m'expliquerais difficilement cet accès de sensibilité. Raillez tant qu'il vous plaira, madame. Je viens d'écouter à la porte de Valentine, ne sachant point ce qui s'y passait, et me doutant de toute autre chose que de la vérité. En entendant la voix de la nourrice au lieu de celle du cher mari, je suis entrée et j'ai trouvé Valentine fort souffrante, fort défaite. Je vous assure que ce ne serait pas du tout le moment. Valentine aime son mari l'aime. Je suis bien certaine qu'il aura pour elle tous les égards qu'elle exigera. Est-ce qu'une mariée d'un jour sait exiger quelque chose? Est-ce qu'elle a des droits? Est-ce qu'on en tient compte? La fenêtre fut fermée en cet instant, et Bénédicte n'en put entendre davantage. Tout ce que la rage peut inspirer de projets terribles et insensés, il le connut en cet instant. Oh, abominable violation des droits les plus sacrés! S'écria-t-il intérieurement. Infâme tyrannie de l'homme sur la femme! Mariage, société, institution, haine à vous, haine à mort, et toi, Dieu, volonté créatrice, qui nous jette sur la terre et refuse ensuite d'intervenir dans nos destinées, toi qui livres le faible à tant de despotisme et d'abjection, je te maudis. Tu t'endors satisfait d'avoir produit, insoucieux de conserver. Tu mets en nous une âme intelligente et tu permets au malheur de l'étouffer. Maudit sois-tu, maudites soient les entrailles qui m'ont porté. » En raisonnant ainsi, le malheureux jeune homme arma ses pistolets, déchirait sa poitrine avec ses ongles et marchait avec agitation, ne songeant plus à se cacher. Tout à coup, la raison, ou plutôt une sorte de lucidité dans son délire, vint l'éclairer. Il y avait un moyen de sauver Valentine d'une odieuse et flétrissante tyrannie. Il y avait un moyen de punir cette mère sans entrailles qui condamnait froidement sa fille à un opprobre légal, au dernier des opprobres qu'on puisse infliger à la femme, au viol. « Oui, le viol !» répétait Bénédicte avec fureur. Et il ne faut pas oublier que Bénédicte était un naturel d'excès et d'exception. Chaque jour, au nom de Dieu et de la société, un manant ou un lâche obtient la main d'une malheureuse fille, que ses parents, son honneur ou la misère forcent d'étouffer dans son sein un amour pur et sacré. Et là, sous les yeux de la société qui approuve et ratifie, la femme pudique et tremblante qui a su résister au transport de son amant tombe flétrie sous les baisers d'un maître exécré. Et il faut que cela soit ainsi. Et Valentine, la plus belle œuvre de la création, la douce, la simple, la chaste Valentine, était réservée comme les autres à cet affront. En vain, ses larmes, sa pâleur, son abattement avaient dû éclairer la conscience de sa mère et alarmer la délicatesse de son époux. Rien ne la défendrait de la honte, cette infortunée, pas même la faiblesse de la maladie et l'épuisement de la fièvre. Il y a sur la terre un homme assez misérable pour dire « n'importe » et une mère assez glacée pour fermer les yeux sur ce crime. « Non » s'écria-t-il, « cela ne sera pas, j'en jure par l'honneur de ma mère. » Il arma de nouveau ses pistolets et courut au hasard devant lui. Le bruit d'une petite toux sèche l'arrêta tout à coup. Dans l'état d'irritation où il était, la pénétration instinctive de la haine lui fit reconnaître à ce léger indice que M. de Lansac venait droit à lui. Ils avançaient tous deux dans une allée de jardin anglais, allée étroite, ombreuse et tournante. Un épais massif de sapin protégea Bénédicte. Il s'enfonça dans leurs rameaux sombres et se tint prêt à brûler la cervelle de son ennemi. M. de Lansac venait du pavillon situé dans le parc, où, jusque-là, il avait logé par respect pour les convenances. Il se dirigeait vers le château. Ses vêtements exhalaient une odeur d'ambre que Bénédicte détestait presque autant que lui. Ses pas faisaient crier le sable. Le cœur de Bénédicte battait haut dans sa poitrine, son sang ne circulait plus. Pourtant, sa main était ferme et son coup d'œil sûr. Mais au moment où, le doigt sur la détente, il élevait le bras à la hauteur de cette tête détestée, d'autres pas se firent entendre, venant sur les traces de Bénédicte. Il frémit de cet atroce contretemps. Un témoin pouvait faire échouer son entreprise et l'empêcher, non pas de tuer Lansac. Il sentait que nulle force humaine ne pourrait le sauver de sa haine, mais de se tuer lui-même immédiatement après. La pensée de l'échafaud le fit frémir. Il sentit que la société avait des punitions infamantes pour le crime héroïque que son amour lui dictait. Incertain, irrésolu, il attendit et recueillit ce dialogue. « Eh bien, Franck, que vous a répondu madame la comtesse de Rimbaud ?»« Que monsieur le comte peut entrer chez elle, » répondit un laquais. « Fort bien, vous pouvez aller vous coucher, Franck. Tenez, voici la clé de mon appartement. » « Monsieur ne rentrera pas ?»« Ah, il en doute !» dit monsieur de Lansac entre ses dents, et comme se parlant à lui-même. « C'est que, monsieur le comte, madame la marquise, Catherine... »« C'est fort clair, allez vous coucher !» Les deux ombres noires se croisèrent sous les sapins, et Bénédicte vit son ennemi se rapprocher du château. Dès qu'il l'eut perdu de vue, sa résolution lui revint. « Je laisserai échapper cette occasion !» s'écria-t-il. « Je laisserai seulement son pied profaner le seuil de cette demeure qui renferme Valentine !» Il se mit à courir. Mais le comte avait trop d'avance sur lui. Il ne put l'atteindre avant qu'il fût entré dans la maison. Le comte arrivait là, mystérieusement, seul, sans flambeau, comme un prince allant en conquête. Il franchit légèrement le perron, le péristyle, et monta au premier étage. Car cette feinte d'aller s'entretenir avec sa belle-mère n'était qu'un arrangement de convenance pour ne pas énoncer à son laquais le motif délicat de ses empressements. Il était convenu avec la comtesse qu'elle le ferait appeler à l'heure où sa femme consentirait à le recevoir. Madame de Rimbaud n'avait pas consulté sa fille, comme on le voit, elle ne pensait pas qu'il en fût besoin. Mais au moment où monsieur de Lansac allait être atteint par Bénédicte, dont le pistolet toujours armé le suivait dans l'ombre, la demoiselle de compagnie se glissa vers le diligent époux avec autant de légèreté que le lui permirent son corps baleiné et ses 60 ans. « Madame la marquise aurait un mot à dire à monsieur, » lui dit-elle. Alors monsieur de Lansac prit une autre direction et la suivit. Ceci se passa rapidement et dans l'obscurité. Bénédicte chercha en vain et ne put découvrir par quel escamotage infernal sa proie lui échappait encore. Seule, dans cette vaste maison, dont on avait, à dessein, éteint toutes les lumières et, sous divers prétextes, éloigné le peu de domestiques qui ne fussent pas à la fête, Bénédicte erra au hasard, essayant de rassembler ses souvenirs et de se diriger vers la chambre que Valentine devait habiter. Son parti était pris. Il la soustrairait à son sort, soit en tuant son mari, soit en la tuant elle-même. Il avait souvent regardé du dehors la fenêtre de Valentine. Il l'avait reconnue la nuit aux longues veilles, dont la clarté de sa lampe rendait témoignage. Mais comment en trouver la direction dans ces ténèbres et dans cette agitation terrible? Il s'abandonna au hasard. Il savait seulement que cet appartement était situé au premier. Il suivit une vaste galerie et s'arrêta pour écouter. Au bout opposé, il apercevait un rayon de lumière se glissant par une porte entr'ouverte, et il lui semblait entendre un chuchotement de voix de femme. C'était la chambre de la marquise. Elle avait fait appeler son beau petit-fils pour l'engager à renoncer au bonheur de cette première nuit. Et Catherine, qu'on avait fait venir là pour attester l'indisposition de sa maîtresse, s'en acquittait de son mieux pour seconder les intentions de Valentine. Mais monsieur de Lansac était fort peu persuadé et trouvait assez ridicule que toutes ces femmes vinssent déjà glisser leur curiosité et leur influence dans les mystères de son ménage. Il résistait poliment et jurait sur son honneur d'obéir à l'ordre que Valentine lui donnerait de vive voix de se retirer. Bénédicte, ayant atteint sans bruit cette porte, entendit toute la discussion, quoiqu'elle se fît à voix basse, dans la crainte d'attirer la comtesse, qui eût détruit d'un mot tous les faits de cette négociation. « Valentine aura-t-elle bien la force de prononcer cet ordre ?» se demanda Bénédicte. « Oh, je la lui donnerai, moi !» Et il s'avança de nouveau, à tâtons, vers un autre rayon de lumière plus faible qui rampait sous une porte fermée. Il y colla son oreille. C'était là. Il le sentit au battement de son cœur et à la faible respiration de Valentine, qu'il n'était sans doute donné qu'à un homme passionné comme il l'était pour elle, de saisir et de reconnaître. Il s'appuyait, oppressé, haletant, contre cette porte, lorsqu'il lui sembla qu'elle cédait. Il la poussa, et elle obéit sans bruit. « Grand Dieu !» pensa Bénédicte, toujours prêt à admettre tout ce qui pouvait le torturer. « L'attendait-elle donc ?» Il fit un pas dans cette chambre. Le lit était placé de manière à masquer la porte à la personne couchée. Une veilleuse brûlait dans son globe de verre mat. Était-ce bien là? Il avança. Les rideaux étaient à demi relevés. Valentine, tout habillée, sommeillait sur son lit. Son attitude témoignait assez de ses terreurs. Elle était assise sur le bord de sa couche, les pieds à terre. Sa tête, succombante à la fatigue, s'était laissée aller sur les coussins. Son visage était d'une pâleur effrayante. Et l'on eût pu compter les pulsations de la fièvre sur les artères gonflées de son cou et de ses tempes. Bénédicte avait eu à peine le temps de se glisser derrière le dossier de ce lit et de se presser entre le rideau et la muraille lorsque les pas de Lansac retentirent dans le corridor. Il venait de ce côté, il allait entrer. Bénédicte tenait toujours son pistolet. Là, l'ennemi ne pouvait lui échapper. Il n'avait qu'un mouvement à faire pour l'étendre mort avant qu'il eût effleuré seulement le lin de la couche nuptiale. Au bruit que fit Bénédicte en se cachant, Valentine, éveillée en sursaut, jeta un faible cri et se redressa précipitamment. Mais, ne voyant rien, elle prêta l'oreille et distingua les pas de son mari. Alors elle se leva et courut vers la porte. Ce mouvement faillit faire éclater Bénédicte. Il sortit à demi de sa cachette pour aller brûler la cervelle à cette femme impudique et menteuse. Mais Valentine n'avait eu d'autre intention que de verrouiller sa porte. 5 minutes se passèrent, dans le plus complet silence, au grand étonnement de Valentine et de Bénédicte. Celui-ci s'était caché de nouveau, lorsqu'on frappa doucement. Valentine ne répondit pas. Mais Bénédicte, penché hors des rideaux, entendit le bruit inégal de sa respiration entrecoupée. Il voyait son effroi, ses lèvres livides, ses mains crispées contre le verrou qui la défendait. « Courage, Valentine » allait-il s'écrier. « Nous sommes deux pour soutenir l'assaut. » Lorsque la voix de Catherine se fit entendre, « Ouvrez, mademoiselle » disait-elle. « N'ayez plus peur, c'est moi, je suis seule. » Monsieur est parti. Il s'est rendu aux raisons de madame la marquise et à la prière que je lui ai faite en votre nom de se retirer. Oh, nous vous avons faite bien plus malade que vous n'êtes, j'espère, ajouta la bonne femme en entrant et recevant Valentine dans ses bras. N'allez pas vous aviser de l'être aussi sérieusement que nous nous en sommes vantés, au moins. Oh, tout à l'heure, je me sentais mourir, répondit Valentine en l'embrassant. « Mais à présent, je suis mieux. Tu m'as sauvé encore pour quelques heures. Après, que Dieu me protège. »« Eh, mon Dieu, cher enfant !» dit Catherine. « Quelles idées avez-vous donc ? Allons, couchez-vous. Je passerai la nuit auprès de vous. »« Non, Catherine, va te reposer. Voici bien des nuits que je te fais passer. Va-t'en, je l'exige. Je suis mieux, je dormirai bien. » « Seulement, enferme-moi, prends la clé et ne te couche que lorsque toute la maison sera fermée. »« Oh, n'ayez pas peur. Tenez, voici qu'on ferme déjà. N'entendez-vous pas rouler la grosse porte ?»« Oui, c'est bien. Bonsoir, nourrice, ma bonne nourrice. » La nourrice eut encore quelques difficultés pour se retirer. Elle craignait que Valentine ne se trouvât plus mal dans la nuit. Enfin, elle céda et se retira après avoir fermé la porte, dont elle emporta la clé. « Si vous avez besoin de quelque chose, » cria-t-elle du dehors, « vous me sonnerez. » « Oui, sois tranquille, dors bien, » répondit Valentine. Elle tira les verrous, et, secouant ses cheveux épars, elle posa les mains sur son front, en respirant fortement, comme une personne délivrée. Puis elle revint à son lit et se laissa tomber assise, avec la raideur que donnent le découragement et la maladie. Bénédicte se pencha et put la voir. Il eût pu se montrer tout à fait sans qu'elle y prît garde. Les bras pendants, l'œil fixé sur le parquet, elle était là, comme une froide statue. Ses facultés semblaient épuisées, son cœur éteint. Chapitre 23. Bénédicte entendit successivement fermer toutes les portes de la maison. Peu à peu, les pas des domestiques s'éloignèrent du rez-de-chaussée. Les reflets que quelques lumières errantes faisaient courir sur le feuillage s'éteignirent. Les sons lointains des instruments et quelques coups de pistolet qu'il est d'usage en Berry de tirer aux noces et au baptême en signe de réjouissance venaient seuls par intervalles rompre le silence. Bénédicte se trouvait dans une situation inouïe et qu'il n'eût jamais osé rêver. Cette nuit, cette horrible nuit qu'il devait passer dans les angoisses de la rage, le réunissait à Valentine. Monsieur de Lansac retournait seul à son gîte, et Bénédicte, le désolé Bénédicte, qui devait se brûler la cervelle dans un fossé, était là, enfermé seul avec Valentine. Il eut des remords d'avoir renié son Dieu, d'avoir maudit le jour de sa naissance. Cette joie imprévue, qui succédait à la pensée de l'assassinat et à celle du suicide, le saisit si impétueusement qu'il ne songea pas à en calculer les suites terribles. Il ne s'avoua pas que, s'il était découvert en ce lieu, Valentine était perdue. Il ne se demanda pas si cette conquête inespérée d'un instant de joie ne rendrait pas plus odieuse ensuite la nécessité de mourir. Il s'abandonna au délire qu'un tel triomphe sur sa destinée lui causait. Il mit ses deux mains sur sa poitrine pour en maîtriser les ardentes palpitations. Mais au moment de se trahir par ses transports, il s'arrêta, dominé par la crainte d'offenser Valentine, par cette timidité respectueuse et chaste qui est le principal caractère du véritable amour. Irrésolu, le cœur plein d'angoisse et d'impatience, il allait se déterminer. Lorsqu'elle sonna, et au bout d'un instant, Catherine reparut. « Bonne nourrice, lui dit-elle, tu ne m'as pas donné ma potion. »« Ah, votre potion ? » dit la bonne femme. « Je pensais que vous ne la prendriez pas aujourd'hui. Je vais la préparer. »« Non, cela serait trop long. » « Fais dissoudre un peu d'opium dans de l'eau de fleurs d'oranger. »« Mais cela pourra vous faire mal. »« Non, jamais l'opium ne peut faire de mal dans l'état où je suis. »« Je n'en sais rien, moi. Vous n'êtes pas médecin. Voulez-vous que j'aille demander à madame la marquise ?»« Oh, pour Dieu, ne fais pas cela. Ne crains donc rien. Tiens, donne-moi la boîte. Je sais la dose. »« Oh, vous en mettez deux fois trop. » Non, te dis-je, puisqu'il m'est enfin accordé de dormir, je veux pouvoir en profiter. Pendant ce temps-là, je ne penserai pas. » Catherine secoua la tête d'un air triste et délaya une assez forte dose d'opium que Valentine avala à plusieurs reprises en se déshabillant. Et quand elle fut enveloppée de son peignoir, elle congédia de nouveau sa nourrice et se mit au lit. Bénédicte, enfoncé dans sa cachette, n'avait pas osé faire un mouvement. Cependant, la crainte d'être aperçue par la nourrice était bien moins forte que celle qu'il éprouva en se retrouvant seul avec Valentine. Après un terrible combat avec lui-même, il se hasarda à soulever doucement le rideau. Le frôlement de la soie n'éveilla point Valentine. L'opium faisait déjà son effet. Cependant, Bénédicte crut qu'elle entr'ouvrait les yeux. Il eut peur et laissa retomber le rideau, dont la frange entraîna un flambeau de bronze placé sur le guéridon et le fit tomber avec assez de bruit. Valentine tressaillit, mais ne sortit point de sa léthargie. Alors Bénédicte resta debout auprès d'elle, plus libre encore de la contempler qu'au jour où il avait adoré son image répétée dans l'eau. Seul, à ses pieds, dans ce solennel silence de la nuit, protégé par ce sommeil artificiel qu'il n'était pas en son pouvoir de rompre, il croyait accomplir une destinée magique. Il n'avait plus rien à craindre de sa colère. Il pouvait s'enivrer du bonheur de la voir sans être troublé dans sa joie. Il pouvait lui parler sans qu'elle l'entendît, lui dire tout son amour, tous ses tourments, sans faire évanouir ce faible et mystérieux sourire qui errait sur ses lèvres à demi entr'ouvertes. Il pouvait coller ses lèvres sur sa bouche sans qu'elle le repoussât. Mais l'impunité ne l'enhardit point jusque-là. C'est dans son cœur que Valentine avait un culte presque divin, et elle n'avait pas besoin de protection extérieure contre lui. Il était sa sauvegarde et son défenseur contre lui-même. Il s'agenouilla devant elle et se contenta de prendre sa main pendante au bord du lit, de la soutenir dans les siennes, d'en admirer la finesse et la blancheur, et d'y appuyer ses lèvres tremblantes. Cette main portait l'anneau nuptial, le premier anneau d'une chaîne pesante et indissoluble. Bénédicte eût pu l'ôter et l'anéantir. Il ne le voulut point. Son âme était revenue à des impressions plus douces. Il voulait respecter dans Valentine jusqu'à l'emblème de ses devoirs. Car, dans cette délicieuse extase, il avait bientôt oublié tout. Il se crut heureux et plein d'avenir, comme au beau jour de la ferme. Il s'imagina que la nuit ne devait pas finir et que Valentine ne devait pas s'éveiller, et qu'il accomplissait là son éternité de bonheur. Longtemps, cette contemplation fut sans danger. Les anges sont moins purs que le cœur d'un homme de 20 ans lorsqu'il aime avec passion. Mais il tressaillit lorsque Valentine, émue par un de ces rêves heureux que crée l'opium, se pencha doucement vers lui et pressa faiblement sa main en murmurant des paroles indistinctes. Bénédicte tressaillit et s'éloigna du lit, effrayée de lui-même. « Oh, Bénédicte !» lui dit Valentine d'une voix faible et lente. « Bénédicte, c'est vous qui m'avez épousée aujourd'hui. Je croyais que c'était un autre. Dites-moi bien que c'est vous. » « Oui, c'est moi !» dit Bénédicte éperdue, en pressant contre son cœur agité cette main qui cherchait la sienne. Valentine, à demi éveillée, se dressa sur son chevet, ouvrit les yeux et fixa sur lui des prunelles pâles qui flottaient dans le vague des songes. Il y eut comme un sentiment d'effroi sur ses traits, puis elle referma les yeux et retomba en souriant sur son oreiller. « C'est vous que j'aimais, » lui dit-elle. « Mais comment l'a-t-on permis ?» Elle parlait si bas et articulait si faiblement que Bénédicte recueillait lui-même ses paroles comme le murmure angélique qu'on entend dans les songes. « Oh, ma bien-aimée » s'écria-t-il en se penchant vers elle. « Dites-le-moi encore, dites-le-moi, pour que je meure de joie à vos pieds. » Mais Valentine le repoussa. « Laissez-moi, » dit-elle. Et ses paroles devinrent inintelligibles. Bénédicte crut comprendre qu'elle le prenait pour monsieur de Lansac. Il se nomma plusieurs fois, avec insistance, et Valentine, flottant entre la réalité et l'illusion, s'éveillant et s'endormant tour à tour, lui dit ingénument tous ses secrets. Un instant, Elle crut voir M. de Lansac, qui la poursuivait, une épée à la main. Elle se jeta dans le sein de Bénédicte et, passant ses bras autour de son cou, « Mourons tous deux !» lui dit-elle. « Oh, tu as raison !» s'écria-t-il. « Sois à moi et mourons !» Il posa ses pistolets sur le guéridon et étreignit dans ses bras le corps souple et languissant de Valentine. Mais elle lui dit encore « Laisse-moi, mon ami, je meurs de fatigue, laisse-moi dormir. » Elle appuya sa tête sur le sein de Bénédicte et il n'osa faire un mouvement de peur de la déranger. C'était un si grand bonheur que de la voir dormir dans ses bras. Il ne se souvenait déjà plus qu'il en pût exister un autre. « Dors, dors, ma vie !» lui disait-il en effleurant doucement son front avec ses lèvres. « Dors, mon ange ! Sans doute, tu vois la Vierge aux cieux, et elle te sourit, car elle te protège. Va, nous serons unis là-haut. » Il ne put résister au désir de détacher doucement son bonnet de dentelle et de répandre sur elle et sur lui cette magnifique chevelure d'un blond cendré qu'il avait regardé tant de fois avec amour. Qu'elle était soyeuse et parfumée, que son frais contact allumait chez lui le délire et la fièvre. 20 fois, il mordit les draps de Valentine et ses propres mains pour s'arracher, par la sensation d'une douleur physique, aux emportements de sa joie. Assis sur le bord de cette couche dont le linge odorant et fin le faisait frissonner, il se jeta rapidement à genoux pour reprendre empire sur lui-même, et il se bornait à la regarder. Il l'entourait chastement des mousselines brodées qui protégeaient son jeune sein, si paisible et si pur. Il ramenait même un peu le rideau sur son visage pour ne plus la voir et trouver la force de s'en aller. Mais Valentine, éprouvant ce besoin d'air qu'on ressent dans le sommeil, repoussait cet obstacle et, se rapprochant de lui, semblait appeler ses caresses d'un air naïf et confiant. Il soulevait les tresses de ses cheveux et en remplissait sa bouche pour s'empêcher de crier. Il pleurait de rage et d'amour. Enfin, dans un instant de douleur inouïe, il mordit l'épaule ronde et blanche qu'elle livrait à sa vue. Et il la mordit cruellement. Et elle s'éveilla, mais sans témoigner de souffrance. En la voyant se dresser de nouveau sur son lit, le regarder avec plus d'attention et passer sa main sur lui pour s'assurer qu'il n'était point un fantôme, Bénédicte, qui était alors assis tout à fait auprès d'elle, se crut perdu. Tout son sang qui bouillonnait se glaça. Il devint pâle et lui dit, sans savoir ce qu'il disait, « Valentine, pardon, je me meurs si vous n'avez pitié de moi. »« Pitié de toi ?» lui dit-elle avec la voix forte et brève du somnambulisme. « Qu'as-tu ? Souffres-tu ? Viens dans mes bras comme tout à l'heure. Viens, n'étais-tu pas heureux ?»« Oh, Valentine !» s'écria Bénédicte devenu fou. « Dis-tu vrai ? Me reconnais-tu ? Sais-tu qui je suis ?»« Oui, » lui dit-elle en s'assoupissant sur son épaule. « Ma bonne nourrice !»« Non, non ! Bénédicte ! Bénédicte ! Entends-tu ? L'homme qui t'aime plus que sa vie ! Bénédicte !» Et il la secoua pour la réveiller. Mais cela était impossible. Il ne pouvait qu'exciter en elle l'ardeur des songes. Cette fois, la lucidité du sien fut telle qu'il s'y trompa. « Oui, c'est toi, » dit-elle en se redressant. « Mon mari, je le sais, mon Bénédicte, je t'aime aussi. Embrasse-moi, mais ne me regarde pas. Éteins cette lumière. Laisse-moi cacher mon visage contre ta poitrine. » En même temps, elle l'entoura de ses bras et l'attira vers elle avec une force fébrile extraordinaire. Ses joues étaient vivement colorées, ses lèvres étincelaient. Il y avait dans ses yeux éteints un feu subit et fugitif. Évidemment, elle avait le délire. Mais Bénédicte pouvait-il distinguer cette excitation maladive de l'ivresse passionnée qui le dévorait ? Il se jeta sur elle avec désespoir et, près de céder à ses fougueuses tortures, il laissa échapper des cris nerveux et déchirants. Aussitôt, des pas se firent entendre et la clé tourna dans la serrure. Bénédicte n'eut que le temps de se jeter derrière le lit. Catherine entra. La nourrice examina Valentine, s'étonna du désordre de son lit et de l'agitation de son sommeil. Elle tira une chaise et resta près d'elle environ un quart d'heure. Bénédicte crut qu'elle allait y passer le reste de la nuit et la maudit mille fois. Cependant, Valentine, n'étant plus excitée par le souffle embrasé de son amant, retomba dans une torpeur immobile et paisible. Catherine, rassurée, imagina qu'un rêve l'avait trompée elle-même lorsqu'elle avait cru entendre crier. Elle remit le lit en ordre, arrangea les draps autour de Valentine, releva ses cheveux sous son bonnet et ramena les plis de sa camisole sur sa poitrine pour la préserver de l'air de la nuit. Puis elle se retira doucement et tourna deux fois la clé dans la serrure. Ainsi, il était impossible à Bénédicte de s'en aller par là. Quand il se retrouva maître de Valentine, connaissant maintenant tout le danger de sa situation, il s'éloigna du lit avec effroi et alla se jeter sur une chaise à l'autre bout de la chambre. Là, il cacha sa tête dans ses mains et chercha à résumer les conséquences de sa position. Ce courage féroce, qui lui eût permis, quelques heures auparavant, de tuer Valentine, il ne l'avait plus. Ce n'était pas après avoir contemplé ses charmes modestes et touchants qu'il pouvait se sentir l'énergie de détruire cette belle œuvre de Dieu. C'était Lansac qu'il fallait tuer. Mais Lansac ne pouvait pas mourir seul. Il fallait le suivre. Et que deviendrait Valentine, sans amant, sans époux? Comment la mort de l'un lui profiterait-elle si l'autre ne lui restait? Et puis, qui sait si elle ne maudirait pas l'assassin de ce mari qu'elle n'aimait pas? Elle, si pure, si pieuse, et d'une âme si droite et si honnête, comprendrait-elle la sublimité d'un dévouement si sauvage? Le souvenir de Bénédicte ne lui resterait-il pas funeste et odieux dans le cœur, souillé de ce sang et de ce terrible nom d'assassin? Ah, puisque je ne peux jamais la posséder, se dit-il, il ne faut pas du moins qu'elle haïsse ma mémoire. Je mourrai seule, et peut-être osera-t-elle me pleurer dans le secret de ses prières. Il approcha sa chaise du bureau de Valentine. Tout ce qu'il fallait pour écrire s'y trouvait. Il alluma un flambeau, ferma les rideaux du lit pour ne plus la voir et trouver la force de lui dire un éternel adieu. Il tira les verrous de la porte afin de n'être pas surpris à l'improviste. Et il écrivit à Valentine. Il est 2 heures du matin, et je suis seule avec vous, Valentine, seule, dans votre chambre, maître de vous plus que ne le sera jamais votre mari, car vous m'avez dit que vous m'aimiez, vous m'avez appelé sur votre cœur dans le secret de vos rêves, vous m'avez presque rendu mes caresses, vous m'avez fait, sans le vouloir, le plus heureux et le plus misérable des hommes. Et pourtant, Valentine, je vous ai respectée au milieu du plus terrible délire qui ait envahi des facultés humaines. Vous êtes toujours là, pure et sacrée pour moi, et vous pourrez vous éveiller sans rougir. Oh, Valentine, il faut que je vous aime bien. Mais, quelque douloureux et incomplet qu'ait été mon bonheur, il faut que je le paie de ma vie. Après des heures comme celles que je viens de passer à vos genoux, les lèvres collées sur votre main, sur vos cheveux, sur le fragile vêtement qui vous protège à peine, je ne puis pas vivre un jour de plus. Après de tels transports, je ne puis pas retourner à la vie commune, à la vie odieuse que je mènerai désormais loin de vous. Rassure-toi, Valentine, l'homme qui t'a mentalement possédé cette nuit ne verra pas le lever du soleil. Et, sans cette résolution irrévocable, où aurais-je trouvé l'audace de pénétrer ici et d'avoir des pensées de bonheur? Comment aurais-je osé vous regarder et vous parler comme je l'ai fait, même pendant votre sommeil? Ce ne sera pas assez de tout mon sang pour payer la destinée qui m'a vendu de pareils instants. Il faut que vous sachiez tout, Valentine. J'étais venue pour assassiner votre mari. Quand j'ai vu qu'il m'échappait, j'ai résolu de vous tuer avec moi. N'ayez point peur. Quand vous lirez ceci, mon cœur aura cessé de battre. Mais cette nuit, Valentine, au moment où vous m'avez appelée dans vos bras, un pistolet armé était levé sur votre tête. Et puis, je n'ai pas eu le courage. Je ne l'aurais pas. Si je pouvais vous tuer du même coup que moi, ce serait déjà fait. Mais il faudrait vous voir souffrir, voir votre sang couler, votre âme se débattre contre la mort. Et ce spectacle ne dura-t-il qu'une seconde? Cette seconde résumerait à elle seule plus de douleur qu'il n'y en a eu dans toute ma vie. Vivez donc, et que votre mari vive aussi. La vie que je lui accorde est encore plus que le respect qui vient de m'enchaîner, mourant de désir, au pied de votre lit. Il m'en coûte plus pour renoncer à satisfaire ma haine qu'il ne m'en a coûté pour vaincre mon amour. C'est que sa mort vous déshonorerait peut-être. Témoigner ainsi ma jalousie au monde, c'était peut-être lui avouer votre amour autant que le mien. Car vous m'aimez, Valentine. Vous me l'avez dit tout à l'heure, malgré vous. Et hier soir, au bout de la prairie, quand vous pleuriez dans mon sein, n'était-ce pas aussi de l'amour? Ah, ne vous éveillez pas. Laissez-moi emporter cette pensée dans le tombeau. Mon suicide ne vous compromettra pas. Vous seul saurez pour qui je meurs. Le scalpel du chirurgien ne trouvera pas votre nom écrit au fond de mon cœur, mais vous saurez que ces dernières palpitations étaient pour vous. Adieu, Valentine. Adieu, le premier, le seul amour de ma vie. Bien d'autres vous aimeront, qui ne le feraient. Mais une seule fois, vous aurez été aimé comme vous devez l'être. L'âme que vous avez remplie devait retourner au sein de Dieu, afin de ne pas dégénérer sur la terre. Après moi, Valentine, quelle sera votre vie? Hélas, je l'ignore. Sans doute, vous vous soumettrez à votre sort. Mon souvenir s'émoussera. Vous tolérerez peut-être tout ce qui vous semble odieux aujourd'hui. Il le faudra bien. Oh, Valentine, si j'épargne votre mari, c'est pour que vous ne me maudissiez pas. C'est pour que Dieu ne m'exile pas du ciel où votre place est marquée. Dieu, protégez-moi. Valentine, priez pour moi. Adieu. Je viens de m'approcher de vous. Vous dormez. Vous êtes calme. Oh, si vous saviez comme vous êtes belle. Oh, jamais, jamais une poitrine d'homme ne renfermera sans se briser tout l'amour que j'avais pour vous. Si l'âme n'est pas un vain souffle que le vent disperse, la mienne habitera toujours près de vous. Le soir, quand vous irez au bord de la prairie, pensez à moi si la brise soulève vos cheveux, et si, dans ces froides caresses, vous sentez courir tout à coup une haleine embrasée, la nuit, dans vos songes, si un baiser mystérieux vous effleure, souvenez-vous de Bénédicte. Il plia ce papier et le mit sur le guéridon, à la place de ses pistolets, que Catherine avait presque touchés sans les voir. Il les désarma, les prit sur lui, se pencha vers Valentine, la regarda encore avec enthousiasme, déposa un baiser, le premier et le dernier, sur ses lèvres. Puis il s'élança vers la fenêtre. Et, avec le courage d'un homme qui n'a rien à risquer, il descendit au péril de sa vie. Il pouvait tomber de 30 pieds de haut, ou bien recevoir un coup de fusil comme un voleur. Mais que lui importait? La seule crainte de compromettre Valentine l'engageait à prendre des précautions pour n'éveiller personne. Le désespoir lui donna des forces surnaturelles. Car, Pour ceux qui regarderaient aujourd'hui de sang-froid la distance des croisées du rez-de-chaussée à celle du premier étage, au château de Rimbaud, la nudité du mur et l'absence de tout point d'appui, une pareille entreprise semblerait fabuleuse. Il atteignit pourtant le sol sans éveiller personne et gagna la campagne par-dessus les murs. Les premières lueurs du matin blanchissaient l'horizon.